À voix nue, aujourd'hui, deuxième volet de notre série constituée d'archives de Louis-Ferdinand Céline, rassemblée et présentée par Mathieu Garrigou-Lagrange, dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau. Et nous continuons d'écouter Céline, interrogée par Francine Bloch, phonothécaire à la Bibliothèque nationale de France. Elle était allée voir l'écrivain le 16 juin 1959 à son domicile, 25 Terre, route des Gardes, à Meudon, près de Paris. Il s'agit d'un enregistrement rare, puisque 2 minutes seulement ont été diffusées à ce jour à la radio. Mais ces bandes étaient connues des Céliniens, ceux qui savaient qu'à la BNF, dans l'ancienne phonothèque, rebaptisée aujourd'hui Département audiovisuel, figuraient ces enregistrements, dont une transcription a été faite en 1986 et publiée dans les cahiers Céline numéro 7 aux éditions Gallimard. C'est donc grâce à un partenariat avec la Bibliothèque nationale que nous avons pu obtenir ces bandes. Et voici aujourd'hui la seconde partie de cet enregistrement. Peut-être plus encore que dans la première diffusée hier, Céline y semble assez en confiance, ayant envie de parler, bredouillant moins, maugréant moins, se plaignant toujours un peu, mais prenant tout de même un certain plaisir à la conversation, au point, vous l'entendrez, de faire une blague ou deux. Un nouveau démenti dans la légende de l'ermite de Meudon qu'il entretenait volontiers. Ajoutons que peut-être il se sentait plus détendu, sachant que cet entretien n'était pas destiné à être diffusé par la radio ou par la télévision, mais devait demeurer dans les archives de la Bibliothèque nationale pour dans 300 ans, dit Céline. Et puis Francine Bloch lui a précisé avant de le rencontrer qu'elle ne l'interrogerait pas sur les questions qui fâchent, et notamment l'antisémitisme. Vous me disiez que vous étiez un styliste. Ah oui, ça je suis, en ce sens que je n'ai pas envie de laisser une phrase tranquille. Oui. Voilà, je n'aime pas, je lis le journal tout le matin, je lis même le plus, je lis Le Monde, Le Figaro, les bons journaux comme ça. Oui. Je lis bien et je m'agace avec. Quand je les lis, je suis agacé. Parce que vous les trouvez mal écrits ? Je ne dirais pas ça. Je dirais, ils sont bien écrits, nous disons. Trop bien écrits, peut-être. Le langage parlé ne passe pas à travers l'écrit. Alors, ça m'ennuie, voilà. Il ne vous touche pas. S'ils me touchent par leur traditionnalisme que je trouve idiot. Voilà. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Oui, oui. Hein. Alors, ça, comme, mon Dieu, moi, un messonnier, moi, ça me gêne pas. Moi, je trouve ça joli. Moi, la retraite de Russie, c'est bien foutu, ça. Moi, je suis capable d'en faire autant. On me montre un beau chromo, moi, même l'Almanach des Postes, mais, mais je vois ça très bien, mais c'est gentil. Même l'Angélus de Mignon, je trouve pas ça du tout, maintenant, mon Dieu. Et Jean-Paul Laurence, mais je trouve ça roche grosse, tout pour ça. Mal, mais je trouve ça bien, mais je ne sais pas en faire autant, je suis prêt à admirer, mais pourquoi pas, alors que ça fait vomir un vrai peintre, il dit nom de Dieu, ah le cochon, etc. Oui, bien sûr, dans votre spécialité, vous jugez vous, de la même façon, d'une autre façon, mais là je juge. En ce qui concerne justement l'écriture, oui, c'est l'écriture, n'est-ce le pas, style. L'écriture me gêne, bon, elle me gêne, mais je ne suis pas en train d'en faire état, j'aurais pas été forcé de m'en occuper, je n'aurais pas occupé. On peut savoir faire tourner les tables, puis pas aimer ça, hein. Je suis sûr qu'il nous dit, mais pas tant que ça, à faire des mathématiques, pas du tout, ça ne prouve rien du tout. Alors qu'il y a tant de gens qui disent, j'adore le théâtre, ils sont très mauvais en scène, ça ne va rien du tout. Ils disent, oh, mais ma fille adore la danse, vous la voyez, ça ne va rien du tout, c'est une grosse plateau de merdeuse. Bon, ça ne va rien du tout, ça, j'adore, et ça ne va rien dire du tout. Certainement. On va avoir le don du truc. Moi, j'ai le don des langues, par exemple, n'est-ce pas ? Je m'en vante pas, non, Dieu. Quand on parle anglais, je me dis que je ne sais pas. Et je sais l'anglais, puisque j'ai pratiqué la médecine en Amérique. Ah, oui. Oh, mais oui, bien sûr, j'ai failli m'opter pour cette langue-là pour mon travail. Enfin, mais je ne dis pas, moi, quand on parle des hiatiques, quelqu'un qui parle anglais, je ne parle pas, moi. Non, du tout. Et je parle, les langues, je les attrape tout de suite. Mais je parle comme ça, beaucoup de langues comme ça, mais je ne veux pas parler de ça. Je vois, en ce moment, au moment même, puisqu'il faut parler pour, dans 300 ans, pour cet admirable micro-là, qui est presque éclaté, eh bien, en ce moment-ci, on est pris entre deux conformismes très impérieux, celui des catholiques, enfin, ou de désinence catholique, des descendants de catholiques, que nous sommes, quoi, de gré ou de force. Et puis les autres, là, qui ont une nouvelle vérité. Alors, dame, les... Vous voulez parler des Russes, des Chinois, des communistes oui, et les autres, les capitalistes, les Américains qui sont des Européens, au fond. Alors, ils défendent le capital. Bon, ils le mettent devant le coffre-fort avec la croix, puis ils disent n'entrez pas méchant, le diable. Bon, très bien. Et puis les autres disent moi, je le prends et je mets le bonheur terrestre dedans. Bien. Alors, là, il y a deux vérités, là, qui ne rigolent pas, et puis qui vous assassinent, mais d'une drôle de façon, puis tout de suite. Les écrivains qui sont des bavards, toujours en train de faire les malins de l'esprit, là, mais il faut qu'ils fassent de l'esprit dans les cordes, là, c'est tout près. Ils disent, ah, ouais, je peux y aller jusque-là, mais ça va. Alors, il n'est pas dans la ligne, il est dans la ligne. Bien. En ce moment-ci, celui qui ne crie pas « Vive Tribousnade », ça va mal. Hein. Celui qui irait dire enfin, des choses inconvenantes, on y ferait rapidement trouver, etc. Ah, évidemment, n'est-ce pas? Et je crois qu'à ce point de vue-là, vous avez frayé la voie et que maintenant, en littérature, on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut. Ah, pas politiquement, j'en veux. Ah, peut-être pas politiquement. Ah, bah, et encore. Ah non, ils sont très prudents. Non, il faut donner des choses bien. Regardez notre route des gardes, là, je vous le disais l'autre jour, elle est pleine encore de sanctuaires, de petites niches avec des saintes vierges. Ben, il y a quelques années, centaines d'années, je serais passé devant, et vous aussi, sans faire le signe de croix, mais ça aurait été mal. Hein. Alors maintenant, il y a des signes de croix un peu partout, et on vous prie de faire une procession dimanche prochain, à tel endroit, pour les martyrs de ceci. Il y a toujours des martyrs, hein, c'est pour ça qu'ils manquent. Alors, on va chercher pour les martyrs ceci, cela, dont ils se foutent éperdument, d'ailleurs, individuellement, mais enfin, ils veulent être vus allant aux martyrs, hein, pas d'histoire. Et puis, qu'ils soient notés et affichés, M. Tréboussin a été voir les martyrs et il a fait le signe de croix. Ça, s'il ne fait pas, il est mal noté, c'est fini, ils ne pourront pas apprendre le piano, lui n'ira pas en vacances. Hein. Histoire qui est pratique. Alors là est toute la salade. Alors évidemment, ce conformisme là est de toujours, ben Molière en est crevé, de faire sur l'ordre du roi des entrées, des sorties, des impromptus. Le programme, il n'en pouvait plus, il est mort de ça. Louis XIV l'a tué. Racine, ben, faire l'historien du roi, il ne voulait pas rigoler non plus. Hein. Non. Mais enfin, il a pris la place, quoi. Il n'y a pas d'erreur, il y avait des places. Fallait appartenir à quelqu'un, comme on disait à cette époque-là. Ben alors, il appartenait au Condé, aux Guises, à ceci, à cela. Et souvent, il se débrouillait pour filer lui avant qu'ils appartenaient à ceci, cela. Alors, j'appartiens à personne. Vous vous êtes pourtant un petit peu engagé politiquement avant la guerre. Oh, mais bougrement, je me suis engagé énormément. Peut-être auriez dû vous rester dans votre... Ah, mais ça, aujourd'hui, je serais resté tranquille, au nom de Dieu. J'aurais prié le bon Dieu qu'ils aillent tous à la guerre, qu'ils en crèvent. Voilà ce que j'aurais prié. Mais... Vos livres avaient suffisamment de force explosive. Oh, non, c'est pas ça. Non, surtout je voyais... au bout de la nuit, m'aurait crédit. Je voyais mal. Je voyais les Français pétachards, ceux qu'ils étaient. Et je leur disais, mon Dieu, restez tranquille, ne me mettez pas dans ce truc-là, parce que vous foutrez quoi avec le caca derrière, et vous le répondrez sur la route, et vous reviendrez bien qu'il nous. Ah ben c'est ce qui s'est passé, mais les cochons, ils sont plus malins que moi. Ils ont fait une grosse défaite, et ils l'ont transformé en victoire, devant mes yeux. Ah ben c'est étonnant ça, n'est-ce pas, la colique qui revient en réel, je ne vois pas souvent. Ben ils l'ont fait, ça vraiment, ils ont été malins. Oh, il y a des exemples déjà. Mais enfin, ça s'est passé comme ça, bien. Ben, qu'est-ce que vous voulez pas? C'est tout. Ben. Eh bien, vous m'avez dit l'autre jour que des deux cas de vos deux métiers, en somme, celui de médecin, vous avez donné sans doute plus de satisfaction. Pourquoi? Ah, parce que je suis né pour être médecin, je ne suis pas né pour être écrivain du tout. Non. À quel moment avez-vous commencé votre médecine? Eh ben, j'ai commencé ma médecine en 1918, tout de suite après la guerre. Parce que... Dans quelles conditions? Ah ben, très péniblement. Parce que j'ai passé mon bachot sans aller au lycée, en gagnant ma vie. Ah oui, ça, c'est assez rare. Ah ben, c'est assez rare, oui. Alors, de moi-même, oui. Parce que j'avais envie d'être médecin. Mais... Bon, alors, je m'apprenais avec des petits manuels, et puis à ce moment-là, avoir un métier, je gagnais ma vie. Alors, avoir un métier, là, c'était dur. 12 métiers, 13 misères, les proverbes. Et j'en ai eu beaucoup, on me foutait à la porte parce qu'on trouvait que je faisais mal mon métier. Alors j'ai fait tous les métiers comme ça, beaucoup de métiers. Alors quand on me parle d'Amérique et de machin, mais non, j'ai fait tout ça. Mais je suis bien régulier, alors j'ai travaillé dur. Puis j'ai passé, il y avait des gens à la session, là, qui était plus vieux que moi, il y en avait de 70 ans qui passaient leur bachot, qui étaient malins, qui voulaient aussi avoir leur bachot avant de mourir. Ben, bon, ben moi, je voulais avoir mon bachot pour aller à la faculté, au PCN. Alors, je suis entré à la faculté de médecine de Rennes, à l'école de médecine de Rennes à cette époque-là. Ben, je me suis marié avec la fille du directeur de l'école. Mademoiselle Follet, c'était Follet, Thanas Follet. Et puis là, alors après, ça a suivi son cours. Quoi. Et puis, je suis entré à la Société des Nations. Et puis, à la Société des Nations, j'ai fait des voyages à travers le monde. Ah bon ? Qu'est-ce que vous étiez à la Société des Nations ? Épidémiologie, j'ai cherché des petites bêtes. J'allais chercher des anopheles. Mais je suis licencié, sciences naturelles. J'apprenais tout. Alors, j'apprenais les sciences naturelles. Alors, j'apprenais l'épidémiologie. Alors, j'ai fait de l'épidémiologie. Et alors, j'étais pour la Société des Nations. On m'avait mis là, la Fondation Rockefeller m'avait mis là, et eux, ils m'avaient envoyé partout. Alors, au Congo, et au Dahomey, et puis en Nigeria, pour la chasse à la fièvre jaune. C'était pas encore décidé à ce moment-là. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, en rentrant, mais à la civilisation, madame, je ne peux pas rester parce que j'étais pas riche. Il fallait être riche pour être à la SDN, c'est très gentil, mais il fallait beaucoup d'argent. C'était bien payé, mais c'était pas assez. Il fallait beaucoup d'argent. Alors là encore, je me suis rendu compte qu'il fallait tout de même faire un métier plus prolétaire. Alors, je suis rentré dans la médecine de quartier, à Clichy. Et vous n'avez pas cessé depuis combien depuis de temps ? 24. Depuis 24. Oui, depuis 24. Oui, je le sais, parce que je suis retraité maintenant. Oui, depuis 35 ans. Oui, 35 ans. Alors, vous exercez encore ici ? Ah, c'est fini maintenant, aujourd'hui. C'est fini. Vous êtes retraité. Ah, 65 ans, c'est fini. Ah, oui. C'est arrêté. Mais à vous, ces dernières années, vous avez continué ? Ah oui, je suis toujours curieux de ces choses-là. Oui, toujours curieux. Alors, tandis que, mon Dieu, la littérature, je regarde ça loin. À moins qu'on m'apporte un livre avec un nouveau style, mais je ne vois rien du tout jamais. Toujours très terne. Ils écrivent comme en 1900 et avant. Ils sont imbéciles. Non, ils sont. Et pourtant, Miller qui se réclame de vous. Ah, mais Miller, il est anglais. C'est une traduction. Américain. Justice ici, mais je ne m'intéresse pas à l'anglais. Non. Il n'est pas styliste. Je suis styliste. Alors, il n'y a que le français qui m'intéresse. Mais oui. Le français, il ne bougera pas beaucoup parce que les Français n'ont plus beaucoup la foi, ils aiment l'exotisme, tout ce qui n'est pas exotique, vous savez. N'y a qu'à voir les chansons, tout ce qui n'est pas exotique ne plaît pas, ce que dit le directeur d'un café-concert. On n'aime plus les chansons. Alors, il faut aller vers le gitan ou la litanie, le truc brésilien, le nègre. Oui, il n'y a pas une invasion de chansons italiennes, n'importe quoi, sauf du français. Ah non, ça on l'a en horreur. Pour la bonne raison que nous sommes envahis, n'est-ce pas, évidemment, en ce moment-ci. Alors, il y a tellement de gens d'ailleurs que je crois qu'ils emporteront le cosmopolitisme gagne, vous comprenez. Écoutez, je vais vous demander, alors, parce que c'est tout de même frappant quand on vous lit, n'est-ce pas, certains ne voient en vous que le côté, justement, grossier, pornographique. Évidemment, ce sont des lecteurs extrêmement superficiels. On peut voir aussi en vous une espèce de rancœur, de grief contre l'espèce humaine. Moi, évidemment, qui suis une admiratrice, et je crois bien connaître vos livres, je vois infiniment autre chose dans vos livres. Je vois de la tendresse pour les êtres humains, pour les animaux, et je vois bien au-delà de la grossièreté un immense lyrisme, n'est-ce pas ? Et cependant, il y a quelque chose aussi qui... tout de même, il y a des phrases chez vous qui frappent. Par exemple, dans Mort à crédit, vous dites, à propos de votre mère, « Elle a tout fait pour que je vive, c'est naître qu'il n'aurait pas fallu. » Et cela, évidemment, on le retrouve énormément dans tous vos livres. Il y a en vous, à côté de cet intérêt, comme vous le dites, pour tout, pour toutes les connaissances et pour tous les êtres qui vivent, il y a cette espèce de pessimisme. Êtes-vous vraiment foncièrement pessimiste ou pas ? Là, madame... Je crois que l'affaire cliniquement est plus simple. Oui. Du moment que vous bafouillez des histoires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système nerveux. Il est évident que j'étais taré à la naissance. Et alors cet tare, chez les gens, chez les bons tarés, ils restent à bafouiller et ils en, en, en miel tout le monde, avec leur retard, ils viennent chez moi en particulier, me raconter avec un grand journal où ils racontent leurs déficiences, leurs maladies, leur pas dormir, leurs douleurs, etc. Moi, j'ai mis tout ça en livre, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ça, au fond, qui fait au fond, la production. C'est parce que vous êtes taré sans ça. Bah, vous vivez gentiment, vous, oui, bien sûr. Dans votre foyer, vous avez assuré votre vie matérielle. Et vous ne vous posez pas trop de questions. Non, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas taré, si vous n'avez pas en naissant une tare qui vous fait être un type qui ne jouit pas de la vie, si vous jouissez de la vie, du manger, du boire, du dormir et du reste, enfin, des petites choses accessoires, vous avez une vie bien gentille, quoi. Et vous n'avez pas de raison de sortir de cette vie bien gentille, si ce n'est de conquérir une meilleure place au soleil, quoi. Je suis bien sûr. Moi, j'avais évidemment, j'étais mal placé. Ma mère était nerveuse, mon père était nerveux. Ils étaient des tarés, nerveusement, pauvres gens. Et certainement que j'ai hérité de leur angoisse et de leur inquiétude innée, n'est-ce pas? Alors, j'ai transformé cette inquiétude innée en bafouillage. Je l'avais mieux en médecine. Je trouvais qu'elle était mieux, mais elle donne mieux en médecine. Je vois bien que je n'avais pas ce qu'il faut pour être grandement médecin. D'abord, j'avais commencé trop tard. Et puis ensuite, je ne crois pas que j'avais le sens scientifique suffisant pour faire. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Non, j'étais pas doué. J'aurais fait un bon médecin de quartier, mais j'étais pas doué pour faire un bon médecin. Tandis que j'étais fait pour, évidemment, pour faire des livres. Et alors, c'est une tare aiguillée avec assez de volonté. C'est la volonté, au fond, qui fait ça. Qui évite que vous tombiez dans le ratage complet. Ou alors, il vous reste juste le bavardage, bafouillage de vos tares. Et moi, je mets les tares en balai, en n'importe quoi. Alors, ça, c'est un travail pénible, n'est-ce pas? Mais ça y est, c'est tout. Alors, évidemment, les animaux, tout ça, c'est l'intérêt d'une vie réduite, n'est-ce pas? L'intérêt d'une vie, évidemment. Pourquoi dites-vous réduite alors que tout de même vous avez une vie assez riche avez été médecin, donc vous n'avez pas eu une vie uniquement d'intellectuel et d'écrivain. Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais alors, tout de même, en finissant la vie, parce que je suis au bout, je suis le vieux machin, le vieil idiot de littérature qu'on mettait des autos, évidemment, il en faut toujours un, je suis celui-là maintenant. Mais. Ça m'aide. Je méfie de l'homme. Oui, vous méfiez sûrement. Oui. Vous méfiez et en même temps, malgré tout, vous avez de la pitié. Oui, jusqu'à un certain point. Mais je me dis que l'homme est ainsi fait que ce qui lui manque, c'est le cirque romain. Alors, c'est pas un individu très agréable. Ce qu'il voudrait, c'est de la mise à mort bien palpitante qu'il voit sous ses yeux-là. Vous faites vider n'importe quel théâtre. Vous avez des théâtres. Vous présentez du Molière ou n'importe quoi, du Shakespeare même, ou des comédies du boulevard ou du cinéma. Je vous fais vider tout ça si vous remplissez le Colisée. Il y avait 129 000 places. Maintenant, on prend un spectacle comme ça. Et là, je vous assure que les gens jouissaient bien. Les sénateurs au premier rang, les vestales aussi, et l'empereur, nom de Dieu. Pensez qu'on faisait grief à César, parce qu'il envoyait les dépêches au lieu de regarder la mise à mort, parce qu'il avait des dépêches envoyées. Et bien ça, on lui en tenait grief, on disait qu'il était léger, parce que c'était vraiment ce qu'importait, c'est la mise à mort. Vous représentez des pancrasses et des machins, des brutalités, du boxe, mais c'est rien, c'est fade. Le goût profond de l'homme, c'est la mise à mort douloureuse et la vivisection sous ses yeux. Voilà ce qu'il veut voir. Oui, mais vous croyez que c'est général? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, il y a beaucoup que ça dit. Mais la course au taureau, qui est une petite chose, n'est-ce pas? La course au taureau, le catch. Mais c'est des petites choses à côté de ce qu'on voudrait, vraiment. Le striptease, tous ces spectacles-là, sont des spectacles d'enfants, à côté de leur goût profond. Vous voyez, à l'époque de l'épuration, alors là, ils se donnent libre cours à la Saint-Barthélemy, à 89... En toute occasion, Les camps de concentration. En grande, oui, la même chose. En grande aux grandes époques. Mais oui, oui. Alors, voyons, là, vous le voyez bien. Alors, c'est ça qui l'attend. Oui. Qu'est-ce qu'il a, le pape, en ce moment-ci? Ben, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'il voudrait? Une épuration. Voilà. Il voudrait une épuration, le pape. Est-ce qu'il lui manque? Voilà. Ben, vous savez, alors, dans ces conditions-là, et comme cet instinct est solide, et bien plus que du granit, c'est du diamant, c'est pire que du diamant. Alors, c'est de la gamète. C'est très fort. Il a ça dans le boyau, n'est-ce pas? Il naît. Et ça, il ne change pas. L'homme ne change pas. Il est le même. 500 millions d'années qu'on le connaît, c'est le même. Oh, même le mignon, on le connaît. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'on voit dans la préhistoire? On voit des pierres à torture. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, il y en a toujours eu. Bah, vous voyez, il y a un cercle de pierres où les gens s'assoyaient, puis une pierre à torture dans le milieu, exprès pour renverser un bonhomme et lui couper tout. C'est à ça que s'amusait la préhistoire, ils s'amusaient à décerveler les gens vivants. Eh bien, ça ne leur manque pas. Oui. Et maintenant, on tuera 200 000 personnes à la fois, comme à Hiroshima. Oui, mais encore Hiroshima, c'est une espèce d'exécution capitale. Mm-hmm. Ça ne satisfait. Mais pas la torture. C'est aussi la torture, tout de même. Oui, mais pas aussi bien que les Gaulois ont duré d'ailleurs 4 siècles avec le cirque. N'est-ce pas? La grande civilisation romaine, c'est 4 siècles de cirque. Du jour où ils ont supprimé le cirque, les catholiques ont supprimé le cirque, et bien à ce moment-là, ils ont capoté. Alors, vous savez, c'est un individu, je regrette que j'abandonnerai sans peine, n'est-ce pas? Parce qu'il a vraiment de sales instincts. Et les instincts qui sont irrémédiables, parce que. Je ne sais pas, quand on me lira à la Bibliothèque nationale, dans 3 siècles, je ne sais pas s'ils auront changé d'instinct, mais j'en serais bien étonné. 3 siècles, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. N'est-ce pas? Dans 500 millions d'années, on n'a pas changé d'instinct. Les pierres qu'on trouve, et les cerveaux qu'on trouve, sont des pierres de torturés. Voilà ce qu'on voit. Des pierres de torturés. Voilà. C'est tout. Alors ça, déjà, je suis l'ennemi de la violence, mais par là, un monstre. Parce que l'homme, naturellement, aime la violence et mais la salie. Pas dans l'Inde. Mais si aussi, oh là là. Peut-être moins. Mais si, pareil. La même chose. Oh là, dans l'Inde, une des distractions de l'Inde, c'est de faire venir de vieux chevaux, pour les tuer, au coup de bâton. Ah bon? Alors, n'est-ce pas d'illusion sur l'Inde. J'avais des illusions. Non, la non-violence, c'est une blague. Ils sont aussi saliques et dégueulasses que partout ailleurs. Et c'est les hommes. Et l'homme a ça en lui. Qu'est-ce que je regrette, mais il est comme ça. Alors, moi, comme je suis un homme. Bon, très bien. Voilà. Alors, je crois que vous avez raison d'avoir beaucoup d'oiseaux dans votre. Les pompes de bureau. Oh, mais ne croyez pas, le chat est très sadique. Ah oui! Oh, je le sais, je connais bien le chat. Et le chien aussi. Hein. Chien moins. Peut-être. Oh, le gros. Oh, les chiennes, c'est effrayant. Ah. Oh là, j'en ai eu beaucoup, je sais. Les chiennes, terribles. La chienne est terrible. Oh, la chienne est pire que le chien. Oh, elle est terrible. Elle n'est pas sadique avec l'homme, voilà. Non, avec l'homme, non. Mais entre eux, oh là, non, la chienne, je me les séparais tout le temps. Ils se boufferaient. Oh là, c'est universel, ce truc. On compte les oiseaux qui ne sont pas méchants. Il y en a quelques-uns, mais très rares. Il y en a quelques-uns. Une espèce aux Indes. Le serin est pas méchant. Mais enfin, il y a très peu. Non, c'est le sadisme et la violence de l'homme qui vous écœure, une fois pour toutes. C'est fini. Allez, hop. Alors là, puisque c'est le geste de l'empereur, allons-y, n'hésitez pas. Non, alors vous me dites quelque chose, j'avais qu'à les laisser faire. Ils savent très bien. Bon, très bien. D'ailleurs, leur appétit de guerre est naturel. Ils ont envie de ça. S'ils n'avaient pas envie, ils ne la feraient pas. Hein? Oui, à l'heure actuelle, ils iraient tous aux mairies. En Russie comme en France. Puis on veut pas, la guerre. Mais une fois pour tout, on n'en veut pas. Ben, il n'y en aura pas. Hein? Oui, il me semble aussi. Évidemment, mais ils sont pas... Il y a tout de même des forces qui luttent un peu contre la guerre. Les femmes sont pudiques, mais enfin tout de même. Hein? N'est-ce pas? Il arrive ce qu'il arrive, c'est fatal. Hein? Parce qu'en elles, il y a l'instinct. Hein? Les femmes, les jeunes filles ne disent pas « Maman, je veux me marier », etc. Non, n'est-ce pas, mais ça se fait, quoi. Ça se fait, c'est bien ce qu'il arrive. Hein, pas. Alors, c'est l'instinct. C'est très fort, un instinct, ça ne le montre pas. Il est voilé, mais il est là. Il est très puissant. Oui, ça, l'instinct de guerre est plus hypocrite que, qu'au Moyen-Âge. Que, ah oui, bien sûr. Oh non. Enfin, nous sommes loin de la littérature. Pour terminer, je veux tout de même vous demander ce que, si vous travaillez en ce moment, ce que vous écrivez. Oh, j'écris. Il faut bien, parce que je dois 7, 8 millions à mon éditeur. Alors rien que ça. Ah oui, c'est tout. Alors j'écris. Pour payer mes dettes, c'est tout. Parce que si je ne payais pas mes dettes, ben, il serait méchant. Certainement, c'est un commerçant, lui. Alors, il prendra un peu plus de séries noires. Oh, ça ne rapporte pas à ce point-là. Non. Il faut y aller. Hardi petit, j'ai entendu ça depuis que je suis né. Hardi petit. Vous voyez. Alors Hardi petit. Vous avez encore du pas sur la planche. Oui. 65 ans, il faut que je m'y colle. 66e année, ça me fait pas rire. Lui, il travaille pas. Il n'est pas là pour ça. Mais moi, je suis là pour ça. Alors. Mais alors, que ça soit en Amérique, en Angleterre ou en Russie, ça change pas ça. Ça, les régimes, les formes, ce sont des mensonges qu'on fout aux hommes pour leur cacher leurs instincts. En réalité, le cirque romain avait mis les choses bien au point. Alors, panem et sur Saint-Cesse. Oui, c'était pas hypocrite, moi. Non, panem et sur Saint-Cesse, ça suffit. Du pain, et puis du sang bien dégoulinant, du gladiateur, voilà ce qu'il faut. Du gladiateur, voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on me donne, là, je sais pas, littérature ou... Pour ou striptease, c'est ennuyeux, voilà. Bonne mise à mort, ça, derrière le pop satisfait. Demain, on met à mort Céline Place de la Concorde, on le découpe en morceaux. D'ailleurs, à la roue, quoi, une place de grève, il y allait tout le temps. Et c'est ça qu'il faisait, quoi. C'est une grande distraction. Ben, je crois que nous avons tout dit. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, en tout cas, et je vous en remercie beaucoup. Pas intéressant, madame, mais voilà, je crois que nous avons fait notre devoir. Voilà, et bien je vous remercie. Et voilà, et c'était à voix nue avec des archives de Louis-Ferdinand Céline, rassemblées par Mathieu Garrigou-Lagrange et mises en onde par Jean-Claude Loiseau, attaché de production Claire Poinsignon, mixage Marie Le Peintre, une émission en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Demain, un troisième volet avec une archive plus politique. Il s'agira d'un entretien de Céline par Albert Sbinden de Radio Lausanne en 1957 à l'occasion de la sortie de son roman D'un château l'autre. Sbinden l'interroge sur son antisémitisme et les années d'occupation. Si vous souhaitez conserver la série dans son entier, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast d'Avoinu en vous rendant sur notre site. Très bonne soirée à vous tous, à l'écoute de France Culture.